Science Chrono, Antoine Beauchamp. En 1865 paraissait un texte fondateur pour la médecine moderne, intitulé « Introduction à l'étude de la médecine expérimentale » et signé de la main du physiologiste Claude Bernard. Ce texte proposait de suivre une approche basée sur l'expérimentation, en particulier sur des animaux, qui a donné à la médecine une dimension scientifique jusqu'alors inégalée. On revient aujourd'hui sur ce tournant dans l'histoire des sciences, qui continue de soulever d'importantes questions aussi bien éthiques que biologiques. Bonjour Anthony Nicoglou. Bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Université de Tours et membre de l'Institut universitaire de France. Merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui pour nous raconter l'histoire de cette mise en place de l'expérimentation animale en médecine et ses effets, bien sûr, avec tout ce que ça comporte d'enjeux médicaux et biologiques, mais aussi philosophiques et éthiques. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter un extrait de cette introduction à l'étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard paru en 1865. Il est tiré du chapitre 2 de la deuxième partie du livre et provient de la section intitulée « De la vivisection ». La lecture de cet extrait vous est faite par Laurent Blanpin. A-t-on le droit de faire des expériences et des vivisections sur les animaux ? Quant à moi, je pense qu'on a ce droit d'une manière entière et absolue. Il serait bien étrange, en effet, qu'on reconnût que l'homme a le droit de se servir des animaux pour tous les usages de la vie, pour ses services domestiques, pour son alimentation, et qu'on lui défendît de s'en servir pour s'instruire dans une des sciences les plus utiles à l'humanité. Il n'y a pas à hésiter. La science de la vie ne peut se constituer que par des expériences. Et l'on ne peut sauver de la mort des êtres vivants qu'après en avoir sacrifié d'autres. Il faut faire les expériences sur les hommes ou sur les animaux. Or, je trouve que les médecins font déjà trop d'expériences dangereuses sur les hommes avant de les avoir étudiées soigneusement sur les animaux. Je n'admets pas qu'il soit moral d'essayer sur les malades dans les hôpitaux des remèdes plus ou moins dangereux ou actifs sans qu'on les ait préalablement expérimentés sur des chiens. Car je prouverai plus loin que tout ce que l'on obtient chez les animaux peut parfaitement être concluant pour l'homme quand on sait bien expérimenter. Donc, s'il est immoral de faire sur un homme une expérience dès qu'elle est dangereuse pour lui, quoique le résultat puisse être utile aux autres, il est essentiellement moral de faire sur un animal des expériences, quoique douloureuses et dangereuses pour lui, dès qu'elles peuvent être utiles pour l'homme. Voilà, Anthony Nicoglou, cet extrait de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale par Claude Bernard. Qu'est-ce qui, dans cet extrait choisi, vous parle en premier lieu et vous interpelle ? Alors, ce qui est assez marquant dans cet extrait, ce à quoi on pense immédiatement, c'est finalement le fait que ce qu'il dit, c'est encore des choses qui sont d'actualité, d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette méthode expérimentale qu'il expose ici en s'appuyant sur la vivisection, sur l'expérimentation, c'est quelque chose qui existe encore dans la pratique de la médecine aujourd'hui. Donc il y a quelque chose très actuel dans ce texte, pourtant assez ancien. Assez ancien, 1865, je le rappelle. Moi, il y a deux choses qui m'interpellent. C'est le fait que Claude Bernard dise tout de suite « il vaut mieux faire des essais sur les animaux que sur les hommes ». Et le corollaire de tout ça, c'est la dimension morale. Il utilise à plusieurs reprises ce mot de « morale ». Il n'est pas moral de faire des tests sur des humains. Là aussi, ça a des échos un peu particuliers avec aujourd'hui. Alors ça a des échos particuliers parce que on pense évidemment aux enjeux éthiques qui sont liés indéniablement à l'expérimentation animale. Ce qu'on oublie parfois, c'est que déjà à cette époque-là, les enjeux éthiques existaient. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que c'est quelque chose qui est venu avec la modernité, qui serait venu ultérieurement. En réalité, déjà à l'époque de Claude Bernard, ces questions de morale sont préoccupantes. Et c'est la raison pour laquelle il s'exprime à ce sujet. Il n'aurait pas besoin de s'exprimer à ce sujet, finalement, si ça n'avait pas été un problème dans la société. C'est pour ça qu'il en parle. C'est vrai que c'est intéressant, le respect des animaux par la recherche scientifique, il est aussi vieux que la recherche scientifique. C'est des débats qui existaient déjà dans l'Antiquité. Ce n'est pas récent, ça ne date pas du 20e ou du 21e siècle. On peut peut-être présenter Anthony Nicoglou, ce personnage, Claude Bernard, en 1865. Il a 52 ans, c'est quelqu'un de très établi dans le monde de la recherche scientifique en France. D'où il vient et quelle est sa place dans l'écosystème de la pensée savante de ce milieu du 19e siècle ? Alors, le personnage de Claude Bernard est quelqu'un de particulièrement intéressant et puis original aussi dans le monde scientifique de l'époque, puisque en quelque sorte il est devenu médecin malgré lui. Et il n'a jamais pratiqué la médecine à proprement parler. Donc c'est quelque chose d'un peu paradoxal, parce que c'est devenu une grande figure pour la médecine aujourd'hui. Et pourtant, il n'a pas pratiqué la médecine et il est devenu médecin, alors qu'initialement, il se vouait plutôt à une carrière de dramaturge. Assez vite avorté quand même. Mais c'est vrai que il s'est quand même enthousiasmé assez rapidement pour la physiologie, et notamment en suivant les cours de François Magendy, dont il va devenir le successeur, puisque quand il va écrire l'introduction, il est déjà au Collège de France. Et il a pris la chaire, la succession de la chaire de François Magendy. Donc il a une position importante dans le monde de la physiologie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les préceptes de la physiologie ? Ça correspondait à quoi, cette science qui nous semble un peu parfois désuète, alors que c'est encore aujourd'hui bien sûr une actualité, mais à cette époque-là, on cherchait à comprendre quoi en étant physiologiste ? Alors, ce qui est assez important aussi, c'est que la physiologie, avant Claude Bernard, n'existe pas en tant que science, à proprement parler. François Magendy va donner un certain nombre de bases, notamment il va se faire connaître comme étant un vivisectionniste important, convaincu, même décrié en Europe, notamment en Angleterre. Mais pour autant, il ne va pas fonder théoriquement la discipline, et on doit cette fondation à l'œuvre de Claude Bernard, à ses travaux et aussi à ses écrits, notamment cet écrit de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. En préparant cette émission, j'ai vu qu'à l'époque de Claude Bernard, de Magendy, donc un médecin anglais était de passage à Paris et parlait d'une manie de la vivisection chez les savants français et notamment parisiens. Concrètement, c'était quoi une séance de vivisection au Collège de France ? On présentait quoi ? On voulait comprendre quoi ? Alors, il y a une expérience qui a été relatée et qui a fait beaucoup de bruit, qui, pour le coup, s'est pas passée en France, mais qui s'est passée en Angleterre. C'est peut-être aussi pour ça qu'on en a plus entendu parler, parce que les Anglais ont été particulièrement choqués. Mmh. Cette expérience, réalisée par François Magendy, impliquait de faire une vivisection à un chien vivant, en l'attachant à une table, en l'ouvrant. On retient, pour la petite anecdote assez effroyable, que Magendy avait dit à l'époque « Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal de le voir bouger. C'est un signe plutôt positif pour l'expérience. » Donc c'était quelque chose évidemment qui avait particulièrement choqué les Anglais, qui choquait d'ailleurs une partie des Français, mais qui était une pratique. Il faut voir que le rapport à la douleur aussi à cette époque-là était différent de celui qu'on a aujourd'hui, et donc qui était une pratique qui n'était pas considérée comme particulièrement sauvage, comme aujourd'hui on pourrait la juger. On est donc dans cet environnement de curiosité vivisectionniste en France au milieu du 19e siècle. Il y a tout un environnement scientifique aussi qu'il faut rappeler. Antonine Nicoglou, à l'époque de la parution de cette introduction à l'étude de la médecine expérimentale, qui explique aussi une espèce de mise en place d'une médecine beaucoup plus scientifique. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les deux, trois grands repères de ce moment-là au tournant du 19e siècle qui permettent à Claude Bernard de dire la médecine doit devenir une science exacte? Alors, ce que je disais précédemment, effectivement, j'ai pas été jusqu'au bout, mais Claude Bernard, avec l'introduction à la médecine expérimentale, va faire une sorte de manifeste sur ce que doit être la méthode expérimentale. Et c'est à partir de ce moment-là que la physiologie va se constituer comme science, parce qu'il va donner justement cette méthode. Avant ça, disons que c'est un petit peu du bricolage. Magendy teste des choses, il ouvre des corps, il examine des organes, mais il n'y a pas encore un raisonnement à proprement parler. Le raisonnement, et notamment le raisonnement déductif, va apparaître avec la méthode qui est proposée par Claude Bernard et la mise en place d'un certain nombre de principes qu'il va falloir suivre scrupuleusement à partir du moment où on veut justement avoir une bonne expérimentation qui se fait avec une certaine fiabilité et tous les critères qu'on retrouve finalement aujourd'hui dans la méthode expérimentale médicale contemporaine. Tout l'avenir de la médecine expérimentale est subordonné à la création d'une méthode de recherche applicable avec fruit à l'étude des phénomènes de la vie, soit à l'état normal, soit à l'état pathologique. Ça, c'est ce que dit Claude Bernard dans son texte. Dans cette méthode-là qu'il met en place, quel espace il accorde à justement l'expérimentation animale et pourquoi les modèles animaux lui semblent être centraux dans cette médecine moderne? Alors c'est tout à fait essentiel pour Claude Bernard de s'appuyer sur la vivisection. D'ailleurs, c'est la partie centrale de son ouvrage, c'est-à-dire que gros morceau de l'introduction est consacré à la question de l'expérimentation et de la vivisection. Pourquoi ? Parce que il considère que on ne peut pas comprendre les phénomènes du vivant sans les avoir examinés dans le vivant en action. Et il va distinguer ce qui était une vision finalement réductionniste qui existait jusqu'à présent, mais purement mécaniste, qui consistait à décomposer les organes, à examiner chacune de ces parties, à essayer à partir de leur observation de comprendre leur fonctionnement global. C'est-à-dire que c'est pas possible, en fait, de comprendre le fonctionnement du vivant si on ne le voit pas à l'œuvre. D'où l'importance de cette expérimentation sur des animaux et sur des, qui plus est, sur des animaux vivants. Ces animaux, comment il les considérait? Et finalement aussi, c'est important de rappeler dans quel héritage de pensée il se situe pour justement se dire on va pratiquer une vivisection sur un animal, ce sera pour la grandeur de la science et du progrès, et ces animaux finalement seront, la dimension morale, éthique passera après. Alors, il ne faut pas penser que Claude Bernard n'a aucune considération pour ces animaux. Il considère qu'ils ont peut-être en tout cas une place morale qui n'est évidemment pas celle identique à celle de l'homme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il va faire une hiérarchisation, il va insister sur cette hiérarchisation. Mais il considère qu'il y a une unité du vivant. Et cette unité du vivant place aussi à égalité ces animaux avec l'homme d'une certaine manière. Et on peut dire que c'est une nouveauté, en tout cas dans la manière de considérer le vivant, de se dire que les mécanismes qui sont à l'œuvre chez les animaux sont les mêmes que les mécanismes qui sont à l'œuvre chez les êtres humains. Quelque chose qui n'avait pas forcément été envisagé jusque-là. Donc, il va dire qu'il y a une forme de déterminisme qui existe dans le vivant. Ce déterminisme, il faut essayer de l'identifier, de le cerner, d'en faire le tour. C'est qu'il y a une vision finalement est très, vous le disiez, mécaniste d'une physiologie et finalement d'un point de vue biologique, pour lui, il n'y a aucun problème à mettre sur le même plan un chien et un être humain parce que ils sont fichus à peu près pareil, ce sont tous les deux des mammifères et donc les mécanismes seront les mêmes et voilà la raison biologique en tout cas qui est avancée. Ça, c'est directement hérité d'une pensée très liée à Descartes également avec ce concept d'animaux-machines, en tout cas de machines vivantes. On peut rappeler aussi que à l'époque de Claude Bernard, on est 6 ans après la parution de L'Origine des espèces, qui n'a pas encore connu la postérité qu'on lui connaît. Il y a tout un boom, justement, autour de la meilleure compréhension de ce monde vivant au sens large. Est-ce que ça joue ou pas dans l'écriture de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale? Pour ce qui est de la première partie, c'est-à-dire l'influence, évidemment, du mécanisme, de la vision cartésienne, ça, c'est quelque chose qui est très important, à laquelle Claude Bernard se réfère. Il est très impressionné par la manière dont on peut concevoir les choses physiques et cet aspect déterministe qui permet de les comprendre, les saisir. Mais il est aussi influencé par un autre courant de cette époque-là, qui est le vitalisme. Et il considère, évidemment, pas du tout qu'il faut adopter une approche vitaliste, qui aurait une sorte de force à l'origine dans le vivant et qui permettrait d'expliquer leurs caractéristiques propres. Mais c'est une sorte de combinaison finalement entre ces deux visions, entre la vision mécaniste et la vision vitaliste, en considérant que le vivant a une spécificité qui mérite d'être observée pour elle-même et que ces lois du vivant, à travers les lois de la physiologie, sont uniformes à travers les différentes espèces. Et en ce sens, il va être assez éloigné de ce qui commence à naître à cette époque-là, à savoir la pensée évolutionniste, hein, liée à la théorie de l'évolution de Darwin. Il est assez éloigné de cette vision-là parce que il ne considère pas la notion d'adaptation que va mettre en avant Darwin, la notion de différence entre les espèces, la notion d'ancestralité, hein, qui réunit les espèces, mais il considère plutôt qu'il y a des similitudes dans les lois physiologiques du vivant dans leur ensemble. Et que c'est ça qui prévaut, plus encore que les lois de l'évolution, les principes de l'évolution. Pourquoi est-ce que c'est aussi révolutionnaire que ça, à l'époque, au milieu du XIXe siècle, de proposer une telle approche? Et finalement, est-ce que la médecine était très en retard sur d'autres sciences expérimentales à ce moment-là? Bah, à ce moment-là, la médecine expérimentale n'est pas particulièrement en retard sur d'autres sciences. On peut pas mettre une chronologie. Mais par contre, la science expérimentale n'est pas liée à la médecine. C'est-à-dire que la physiologie va se lier spécifiquement à la médecine avec Claude Bernard. Avant ça, il y a une science qui s'intéresse à la physiologie, au développement des organismes, à leur compréhension morphologique. Et puis, il y a de l'autre côté la médecine avec des médecins qui font des expériences, qui essaient de comprendre la pathologie, des thérapeutiques potentielles, mais sans forcément essayer de comprendre les liens avec la physiologie. Donc, c'est Claude Bernard qui va permettre, en fait, de faire ce lien entre la physiologie et la médecine, en mettant notamment la médecine dans le laboratoire, c'est-à-dire en faisant aller à la fois le laboratoire au chevet du patient et puis en faisant rentrer les maladies dans le laboratoire du physiologiste. Et on va voir que les médecins ont quand même mis un petit peu de temps avant d'admettre ça. France Culture, Science Chrono, Antoine Beauchamp. Et oui, parce qu'il faut bien parler, Anthony Nikoglou, de la réception de cette introduction à l'étude de la médecine expérimentale, texte qui est littéralement fondateur de la médecine scientifique et de la médecine moderne, telle qu'on la pratique encore aujourd'hui. Pourtant, ça n'a pas été c'est comme souvent dans l'histoire des sciences, ça n'a pas été une révolution instantanée, ça n'a même pas été très considéré à l'apparition de cette introduction par le monde des médecins. À partir de quand on s'est dit, bon, en fait, il avait raison et ce serait peut-être pas mal de pratiquer la médecine de cette façon, justement en passant par une expérimentation animale. Alors, l'introduction à la médecine expérimentale, c'est quand même un ouvrage que Claude Bernard adresse non pas spécifiquement à un public de spécialistes, et on le voit d'ailleurs dans l'écriture, il entend s'adresser à tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'il parle des enjeux de la vivisection, qu'il essaie de parler des raisons pour lesquelles il pratique cette vivisection, qu'il essaie de se justifier aussi moralement. Et c'est une originalité, parce que les textes de scientifiques en général s'adresse plutôt aux scientifiques, les textes du Collège de France, des auteurs, des titulaires de chaires du Collège de France vont s'adresser à leurs pairs. Là, c'est pas le cas de Claude Bernard, parce que Claude Bernard a envie de parler au plus grand nombre. Il a envie d'avoir une certaine postérité. Et l'originalité de l'introduction à la médecine expérimentale, c'est que c'est un travail déjà d'épistémologie, de philosophe. C'est un scientifique qui pense sur ce qu'il fait d'un point de vue théorique, et pas simplement qu'il relate des expériences. Alors, il relate des expériences, hein, fameuse expérience du foie lavé, on a tous plus ou moins entendu parler à l'école. On peut rappeler quand même un petit peu ce qu'est cette expérience. Donc cette expérience, c'est vraiment l'expérience fondatrice de Claude Bernard, qui lui permet de mettre en évidence la glycogénèse du foie, c'est-à-dire le fait que le foie fabrique du sucre. Et que, par ailleurs, il est capable aussi de stocker ce sucre. Et évidemment, il va mettre en évidence cette découverte par le biais de l'expérimentation, et notamment par le biais de l'expérimentation animale, puisqu'il va faire des expériences sur des lapins dans un premier temps, puis ensuite des chiens, il passe à différentes échelles. Et ce qu'on sait moins bien, c'est qu'il va aussi faire des expériences sur l'homme, et notamment sur des condamnés à mort, puisqu'il leur donnera des régimes alimentaires spécifiques à leur insu, pour ensuite, après leur mort, pouvoir observer les résultats au niveau de leur foie. Donc on voit que voilà, l'expérimentation n'était pas simplement une expérimentation animale, mais mais en tout cas une expérimentation animale étendue au-delà des animaux non humains. C'est là qu'on perçoit que c'était quand même aussi une autre époque de ce point de vue-là. On parle d'expérimentation animale, on a parlé du chien beaucoup depuis le nom du chien, et cette espèce-là est beaucoup revenue depuis le début de l'émission. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, les chiens ne sont plus du tout des modèles types. Comment est-ce que, justement, on peut expliquer que cet animal-là ait été pris comme cobaye pour commencer et que progressivement, finalement, la souris soit devenue le modèle type? Si on regarde par exemple le cas de Claude Bernard, c'est assez fascinant parce que Claude Bernard, sur le choix du modèle animal, il n'a pas vraiment de choix préférentiel, on peut dire. Hein. Et d'ailleurs, il le dit dans l'introduction, il dit « tous les animaux, a priori, peuvent servir aux recherches physiologiques du fait de cette unité du vivant et des lois du vivant. » Mais ce qu'il observe, c'est que on va choisir préférentiellement des animaux qui sont le plus facilement accessibles. Et les animaux le plus facilement accessibles à cette époque-là, c'est les animaux domestiques. Dans les animaux domestiques, on a bien évidemment le chien, les chats, on a aussi les chevaux, évidemment le lapin, le bœuf, le mouton, le porc, les oiseaux. Vous voyez que dans tout ce que j'ai cité, il n'y a pas le singe, puisque à cette époque-là, le singe ne fait pas encore partie des animaux modèles. La souris et le rat non plus ne sont pas encore parmi les animaux préférés de l'expérimentateur. C'est vrai que ça nous semble banal aujourd'hui, une souris de laboratoire, c'est vraiment devenu l'archétype. Alors comment est-ce qu'on explique que ça soit devenu l'animal type ? Alors pour le coup, c'est pour les mêmes raisons que les raisons qui étaient présentées par Claude Bernard à l'époque, c'est-à-dire c'est des raisons de facilité d'accès et aussi des raisons psychologiques qu'il ne faut pas négliger, c'est-à-dire le rapport aux animaux domestiques fait que rapidement il va devenir plus difficile d'expérimenter sur le chien, sur le chat, du fait aussi d'une résistance et d'une opposition, notamment par les mouvements antivivisectionnistes. Et par la femme et la fille de Claude Bernard elle-même, qui était contre la pratique. La femme et les deux filles de Claude Bernard qui vont effectivement fonder un asile pour chiens errants et recueillir un certain nombre d'animaux de laboratoire quand ils n'auront pas été sacrifiés, qui vont être un exemple de cette opposition à la vivisection dans la sphère publique. Et ça, c'est indissociable de cette histoire-là, de l'expérimentation animale. Anthony Nikoglou, c'est cette dimension morale, éthique, cette acceptabilité sociale ou non de cette pratique-là au nom de la science. Comment ça a été perçu au moment de l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale? Comment est-ce que cette réflexion-là a mûri? Alors, les enjeux éthiques, on le disait au début de l'émission, sont présents dès les débuts de l'expérimentation sur l'animal, au sens où il va y avoir une opposition assez forte à la vivisection. Après, ces courants d'opposition, en fait, ont une histoire qui est liée aux modifications, notamment aux modifications de la régulation autour de l'expérimentation animale. Il faut bien penser qu'à l'époque de Claude Bernard, il n'y a pas de régulation de l'expérimentation animale. Les expérimentateurs, déjà, sont pas si nombreux que ça. Pour faire de l'expérimentation, il faut quand même avoir un laboratoire, il faut avoir quelques moyens qui sont alloués. Même si on prend des chiens errants, il faut quand même pouvoir entretenir un minimum leur cage, tout ce qu'il faut pour les maintenir vivants le temps de l'expérience. Mais la question de ces moyens d'accès va être une question qui va très vite nécessiter une régulation. Et cette régulation va être permise par le biais aussi des opposants à la vivisection, que du coup, des règles vont se mettre en place. Mais paradoxalement, ça va aussi radicaliser le débat chez ceux qui s'opposent à la vivisection. C'est-à-dire qu'on va voir tout un courant, notamment dans les années 70, autour de la figure de Peter Singer, autour de la question de la libération animale et de ce qu'on va appeler l'antispécisme. Tout ce courant-là se veut plus radical que les premiers anti-vivisectionnistes. Pourquoi plus radical ? Parce qu'il ne s'agit pas pour eux de mettre des règles. Il s'agit de dire que, d'un point de vue moral, c'est inacceptable de laisser souffrir les animaux. Purement et simplement d'expérimenter sur les animaux. C'est ce que dit la phrase de la libération animale, c'est qu'il faut cesser et libérer les animaux, il faut cesser d'expérimenter sur eux. Donc, il va y avoir effectivement des modulations dans ce rapport aux enjeux éthiques autour de l'expérimentation animale. Parce qu'il y a eu une régulation qui s'est faites à l'échelle, bien sûr, des pays, mais aussi à partir de la construction européenne à l'échelle européenne. Dans les années 80, on a déjà mis en place une stratégie basée sur les 3 R, qui consiste à remplacer l'expérimentation animale dès que possible, et si c'est pas possible, à réduire le nombre d'animaux utilisés, et enfin à raffiner les procédures, donc faire en sorte que les méthodologies employées pour diminuer la douleur animale et garantir un niveau de résultats scientifiques élevé. Ça me pose une question pour conclure cette émission, Anthony Nikoglou, c'est est-ce que, quand on voit le degré de régulation accru autour de l'expérimentation animale et le fait que, voilà, on pense surtout à réduire le nombre des animaux, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on est en train d'en finir avec la médecine expérimentale qui passe par les animaux ? C'est une vraie question, hein, celle de savoir si, finalement, ce qui est né à l'époque de Claude Bernard, cette expérimentation sur les animaux comme méthodologie pour pouvoir soigner les humains, est-ce que ce n'est qu'une période de l'histoire des sciences ? Est-ce que peut-être on en voit le crépuscule, que d'ici 10, 20, 30, 40 ans, l'expérimentation animale ne sera plus que du passé ? C'est une possibilité. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, on est encore dans le modèle théorique qui avait été mis en avant par Claude Bernard. C'est-à-dire que la médecine telle qu'elle se fait repose sur ce modèle théorique. Donc tant qu'on ne sortira pas de ce modèle théorique ou qu'on n'aura pas une proposition théorique nouvelle, et là je ne parle pas simplement des enjeux techniques, technologiques, qui sont nombreux, hein, des moyens de substitution, tant qu'on n'aura pas une nouvelle théorie, ça sera difficile en fait de sortir de ce paradigme de l'expérimentation animale comme moyen de soigner les humains. Merci beaucoup Anthony Nikoglou d'être venu nous raconter cette histoire complexe de l'expérimentation animale. On se retrouve très bientôt dans Science Chrono. Le laboratoire par Biche pour conclure cet épisode de Science Chrono. Un grand merci à Tom Umdenstock et à la réalisation Olivier Bétard. Merci à Sabine Dahuron de l'INA, notre partenaire, pour son aide dans la recherche d'archives. Et merci à Florent Bujon, aujourd'hui à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.